quelques mots, quelques brides me frôlent sans y penser, jalonné par les villes que traversent ceux qui voyagent vite. Juste quelques eaux vides de chair usée, laissez-la en chemin, comme dit Nautil. Parchemin, un désert immaculé, cerné de dunes et de sel, pendant que tout le monde s'en mêle. Je ne serai pas le premier à rêver d'un beau palais qui fera ma vie belle sans que personne s'en mêle. Je t'invite. Je t'invite. Tout ce que j'ai à t'offrir, tout ce que j'ai à te donner, sans artifice plombé qui amuse les jeunes couples bien éduqués. Je n'aurai rien de plus cher ici que de tout te donner et de me sentir utile, et de me sentir utile. Un désert immaculé, cerné de dunes et de sel, pendant que tout le monde s'en va.